Dans quelques instants, une première mondiale avec une musique qui vient de Madrid. Et puis nous parlerons du Festival du cinéma arabe aussi avec Rachida Jbani. Le monde est un village sur la première. Ah, dans quelques minutes, il va être question de Séville, de Castille, avec une contribution, un échange que nous allons avoir avec Juan Antonio Vázquez, qui se trouve à Madrid, Bruxelles, Madrid. Ce sont les musiques ibériques. Bonsoir, Juan Antonio. Bonsoir les amis, c'est un plaisir d'être ici une autre fois, dans cette nouvelle saison, pour présenter des fascinantes musiques ibériques. Aujourd'hui, nous vous proposons musique historique et musique traditionnelle. D'abord, on va commencer par une collaboration de musiciens espagnols, portugais et marocains pour rendre hommage au poète roi de Al-Andalus, Al-Mutamid. Des musiciens comme le spécialiste de musique historique Eduardo Paniagua, depuis l'Espagne, le grand chanteur portugais Janita Salomé, et des figures du chant andalou marocain comme El Arabi Serguini. Sur la direction musicale du pianiste portugais Felipe Raposo, un excellent musicien de jazz. Voilà, c'était le premier disque et la première musique ibérique proposée par Juan Antonio Vázquez, qui a encore quelque chose à nous proposer. Et ce n'est pas la moindre des choses, Juan Antonio. C'était la musique du projet Al-Mutamid, le poète roi de Al-Andalus, de l'ancienne Espagne, de l'ancienne Ibérie musulmane. Al-Mutamid était le roi de Séville. Il était roi et poète. Il chantait la beauté, l'amour, les femmes, le vin. Et quand il croyait que son royaume était menacé par les royaumes chrétiens de Castille, il a appelé au sultan almoravide Youssef ibn Tashfin pour l'aider. Mais finalement, il l'a expulsé de son trône et enfin, il a effacé la musique et la poésie pour imposer un régime théocratique et autoritaire. C'est le siècle 21, non, c'est le siècle 11. On va continuer avec une proposition qui boit de la musique authentique et traditionnelle du sud de la Castille. C'est le groupe Vihuela et nous allons écouter une première mondiale, son nouveau disque Temperamento. Tempérament, caractère. Il boit directement des gens vieilles et pas si vieilles des villages et aussi des anciens enregistrements qui montrent le caractère authentique de ces musiques, tout en fuyant des préjugés rythmiques et aussi mélodiques que les idées habituelles sur la musique ont imposées à ces musiques-là. Sur ces racines vieilles et aussi nouvelles et toujours authentiques, ils font de nouveaux paroles et musiques. On va écouter un chant de tonder dont l'instrument de percussion sont les ciseaux. Si quieres que te saque la nayañino a los esquiladores, dale buen vino. A los esquiladores, dale buen vino. Aunque no me den vino, yo ya no me enojo. Según se porte el amo, irá al rastrojo. Según se porte el amo, irá al rastrojo. Cada vez que me acuerdo de ti esquilando, doy un golpe a la oveja, ahí me riñe el amo. Doy un golpe a la oveja y me riñe el amo. Da moreno a la borra que la has cortado con las tijeras nuevas que te has comprado. Con las tijeras nuevas que te has comprado. Con permiso del amo y del maquilero, voy a pintar una tía en este borrego. Y a pintar una tía en este borrego. No te muevas, borrego, que yo no quiero. Por quitarte la lana, cortarte el cuero. Ay, por quitarte la lana, cortarte el cuero. Ya se van mis amores a pelar fuera. Quien fueran los anillos de sus tijeras, de sus tijeras. Quien fuera los anillos de sus tijeras de sus tijeras. Voilà la nouvelle musique de Bihuela, un groupe de la Castille du Sud, Castilla-La Mancha, et on a écouté la première mondiale de son nouveau disque, Temperamento, tout en récupérant et en faisant revivre la forme authentique de ses chants et ses musiques. Nous avons suivi votre proposition avec intérêt et curiosité, Juan Antonio. On peut retrouver le travail de Juan Antonio Vázquez sur le site mundofonias.com. Vous pouvez retrouver le travail de mundofonias.com. Je vous dis à bientôt. Juan Antonio, à très bientôt avec d'autres musiques, avec d'autres chansons, avec d'autres reflets de l'Espagne et du Portugal. Mais oui, il sera un plaisir de retourner avec plusieurs musiques ibériques fascinantes. À bientôt. 20h, 21h sur la première. Le monde est un village.